On va mettre un aspect un peu plus local au décès de Guy Lafleur. Et vous savez que celui qui a une chronique Balcourbe, on le voit également à RDS, Michel Laprise, est natif de Normandin. Et dans son texte de Balcourbe qui a publié lors de sa mort, ben, il parle évidemment de Guy Lafleur, mais il donne également ses souvenirs. Et moi, ça m'a fait rire un peu lorsqu'il a mentionné dans son texte, dans le fond de Morant, au lac Saint-Jean. Le petit Michel a regardé des centaines de fois la cassette intitulée Hockey vidéo avec Guy Lafleur. Et question un peu de rire un peu puis se rappeler des souvenirs. On lui parle, salut Michel. Salut, ça va, Dan? Ça va bien, ça va bien. Michel, tu m'as fait rire là-dessus. Tu m'as fait bien rire. D'abord, dans quel rang tu demeurais à Normandais en passant? Le fond d'un rang, c'est plus une façon de parler parce que je n'étais Ouais. pas vraiment dans le fond. J'étais sur le rang. C'est le rang Saint-Cyril en allant vers Saint-Félicien, l'ancienne municipalité de Saint-Méthode, entre Normandin et Saint-Méthode. Ouais. Donc, c'est là que OK. j'étais, là, sur OK. la Donc, grande route. t'as regardé cette vidéo-là plusieurs fois. Ah, des dizaines, des centaines de fois, j'ai regardé ça beaucoup. C'est une cassette VHS qui Ouais. s'appelle Hockey vidéo avec Guy Lafleur. Elle est disponible, elle est C'est encore sur très YouTube chanceux. en passant, hein. Je t'allais la voir, là, Oui. puis elle est sur YouTube. Ouais, tu peux trouver ça encore sur YouTube. Puis ça a été fait en 1984, 85, je pense. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis né en 1980, fait que j'étais un peu beaucoup jeune pour être conscient d'avoir vu Guy Lafleur avec les Canadiens. Moi, mes souvenirs de Guy Lafleur, c'est plus avec les Nordiques, même un peu avec les Rangers. Mais les fois où j'ai vu Guy Lafleur habillé avec le chandail et les bas des Canadiens, c'est dans cette cassette-là que mon père avait acheté. Puis j'ai, tu sais, quand je revenais de l'école, c'était soit je regardais ça parce qu'on avait juste quatre postes à la télé Ah chez ouais, il y nous, on avait n'avait pas quatre le postes, c'est normal. Ben moi, j'ai même connu deux, Michel, pour te donner une idée. On est loin On avait juste. des 1 000 postes qu'on a aujourd'hui, hein? Non, c'est ça. On avait quatre postes, puis tu avais Radio-Can, TVA, tu avais Télé-Québec et Quatre ben, saisons. c'était Radio-Québec dans le temps et quatre saisons. Puis j'ai fini par travailler par quatre saisons un peu plus tard dans ma vie, là. Mais quand il n'y avait rien de beau, ben je me tapais cette cassette-là, puis ça commençait, il y avait un petit hommage à Guy Lafleur. Après ça, tu avais pendant peut-être une demi-heure, Guy Lafleur qui donnait des trucs pour savoir comment bien jouer au hockey. Puis après ça, tu avais encore une vingtaine de minutes de vidéo hommage à Guy Lafleur. Mais moi, je me souviens de faire avancer les vidéos hommage parce que je voulais pas le voir jouer, je voulais savoir comment jouer. Ah C'est ouais, ça que je regardais, là, ouais. puis ça t'as-tu donné un peu des trucs? Ça t'as-tu aidé un petit peu? C'est sûr que on te Oui. connaît maintenant, mais est-ce que vraiment là, dans les ligues, je sais pas moi, si t'as joué avec les Éperviers de Normandin, je te dis ça de même, là. Ou encore Ah non, le c'était hockey. pas assez bon. Pardon? C'est pas assez bon. OK. Dans le mettons, tu as des niveaux 3A, 2A, A, puis B, Ouais. puis C, puis des doubles lettres. Ben, moi, je suis dans le plus bas, dans le C. Mais Dans je m'amusais, 5 lettres, j'avais du OK. fun. Ouais, dans le simple lettre, dans le C, j'étais pas très, très bon. J'avais un bon lancer frappé, mais la place la plus safe pour se cacher, pour recevoir un lancer de moi, c'était devant le but, parce que je lançais un peu n'importe où, là. Mais non, j'ai appris des choses avec cette cassette-là, entre autres comment patiner de reculons, parce que quand j'étais petit, j'avais de la misère à la patiner de reculons. OK. Puis Guy Lafleur, dans sa cassette, nous montre comment faire un départ de reculons, comment faire des mouvements circulaires avec ses pieds pour patiner de reculons. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Puis j'ai montré ça à mes enfants, parce que là, j'ai deux garçons qui patinent. Puis au début, eux aussi, ils avaient une difficulté à patiner de reculons. OK. Et je lui ai dit, regarde, tu fais des mouvements circulaires, tu fais comme un C de chaque bord, un demi-lune, puis mais ça, ces choses-là, ces notions-là de base, c'est dans cette cassette-là que j'ai appris C'est bizarre pareil, hein? C'est fou pareil, hein? ça. C'est Ouais. vraiment. Ouais. Comment t'as vécu ça au cours des derniers jours à RDS, le décès de Guy Lafleur? Vous êtes en émission spéciale, on a vu une avalanche de nouvelles, de témoignages, et ainsi de suite. Est-ce que toi, ça t'a impliqué là-dedans? Oui et non, parce que quand c'est arrivé, ben, tu sais, là, présentement, je fais du travail hybride. Donc, je travaille soit de la salle de nouvelles, soit de mon sous-sol chez nous. Ouais. Mais quand c'est arrivé, j'étais à la station, puis mon collègue Benoît Baudouin a été Ouais. placé en onde dans le studio en pendant 0,05 de seconde, là, puis on a su que c'était officiel, parce que tu sais, il y a toujours des nouvelles comme ça qui arrivent. Puis la mort de quelqu'un, c'est jamais un scoop. Tu veux pas scooper quelqu'un sur la mort de quelqu'un. Ça se fait Surtout Mike pas, Bossy, ce qui s'est passé avec Mike Bossy, je sais pas si Ben, c'est t'as ça. vu Mike l'annoncer 2 semaines Bossy. en avance. C'était ridicule, Ah là. ouais, ça, c'est pas correct, là. Puis, tu sais, il y avait eu, même dans le temps, Pat Burns, je sais pas si tu te souviens, Pat Burns, quand il est décédé, avant qu'il décède, il y avait des rumeurs comme quoi il était mort, puis il l'était pas. Fait que, tu sais, nous, à RDS, on dit, garde, comme je dis, la mort de quelqu'un, c'est pas un scoop, il faut pas se renseigner pour vrai, puis on avait appelé Pat Burns, puis Pat Burns avait dit, non, je suis pas mort. Fait que, tu sais, quand on a su que c'était officiel, que c'était vrai pour Guy Lafleur, ben là, c'est ça, mon collègue était en studio, puis il est parti en ondes pendant au moins, je pense, 6 heures et quelques, mais en émission spéciale avec des témoignages de plein d'anciens, de plein de proches, plein d'amis aussi. Dans la salle des nouvelles, c'était le branle-bas de combat. Là, tout le monde essayait de trouver des gens pour aider d'autres personnes qui travaillaient là-dessus, parce que tu sais, c'est là qu'on se rend compte que une salle des nouvelles, c'est... Il y a différentes salles des nouvelles, j'en ai fait quelques-unes dans ma vie, là. Puis celle de RDS, c'est une équipe. Tu sais, on n'est pas là pour se penser meilleur qu'un autre, on est là pour aider les autres, puis ça a été une occasion de le prouver encore, parce que je pense qu'on a fait un excellent travail. Ouais. Puis pour moi, je suis affecté à Bellecourbe, et puis là, bien sûr, nous autres, on est toujours un peu plus légers dans les sujets. Mm. C'est pas, on n'est jamais dans les choses vraiment très dark ou difficiles. Fait que là, on s'est dit, comment on pourrait traiter ça, le décès de Guy Lafleur? Et là, moi, je me suis souvenu de cette cassette-là, parce que Guy Lafleur, je l'ai rencontré 3 ou 4 fois dans ma vie, puis tu sais, il est impressionnant. Il a des mains larges comme ça, pas de bon sens, là. Ses doigts, c'est des troncs d'arbre. Le gars a des mains vraiment solides. Puis tu sais, c'est une pièce d'homme aussi. Mais ce qui m'a plus marqué de lui, c'est pas tant mes rencontres avec lui, c'est vraiment cette cassette VHS-là. Il me revient tout le temps en tête. Ouais. Il y a de quoi, il y a toujours de quoi, hein, qui revient pareil. Mais c'est sûr que quand tu l'as écouté 100 de fois, ben tu sais, c'est un peu comme celui. Il y en a, tu sais, quand on est jeune, il y a des. On pose la question, t'as écouté un film combien de fois, 100 de fois? Donc toi, c'est la cassette de Guy Lafleur. Exact. Puis il y a un de mes collègues qui m'a écrit quand le texte a été publié, là, Adam, merci Michel d'avoir fait cet article-là, parce que moi aussi je l'ai écouté plusieurs fois, puis ça fait comme si on tombait dans nos pantoufles. Le côté nostalgique de la chose. C'est ça qui a marqué, c'est ça qui nous a marqué, Guy Lafleur. Ouais. C'est le côté nostalgie, c'est notre jeunesse, c'est un peu comme Gary Carter, c'est un peu comme Mike Bossy. C'est des grands qui ont marqué notre jeunesse qui s'en vont. Là. C'est là qu'on voit qu'on vieillit aussi. Là. Ah, c'est ça. Moi, à 40 ans, à 41 ans, là, comme je dis, Guy Lafleur, j'ai connu plus pour son après-carrière que pour sa carrière. Mon père m'en parlait beaucoup, il disait Guy Lafleur, c'est fou, il était le meilleur. OK, oui, je comprends, puis oui, on voit avec les stats. Mais tu sais, j'ai pas eu la chance tant que ça de voir jouer puis voir à quel point il était dominant, mais il y a un de mes collègues RDS qui me dit cette semaine, tu sais, quand on parle de Guy Lafleur, comment le décrire? Et moi, je me dis, c'était le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'histoire. Tu sais, ça nous dit à quel point il était dominant, mais... Tu parles des 8 défaites, là. Tu parles de la saison 8 défaites, là. Exact, en 76, je pense, ouais, que le Canadien, cette saison-là. Effectivement. Ouais. Donc, c'est ce qui décrit bien Guy Lafleur. Ouais. Ben Michel, donc RDS va être en programmation spéciale probablement en fin de semaine et les funérailles vont sûrement être présentées à RDS également. Donc, les dirigeants de la station sont en train justement de regarder comment faire tout ça de façon noble aussi, parce que tu veux pas faire un spectacle avec ça, tu veux juste montrer aux gens, parce que toute sa vie, Guy Lafleur, il a été dans l'œil du public, puis là, même quand il est décédé, il va être dans l'œil du public, mais tu veux faire ça de façon sereine, tu peux pas faire ça de façon, tu peux pas faire un cirque avec ça, tu peux pas faire un spectacle, juste que les gens puissent profiter une dernière fois de tout ce que Guy Lafleur a fait. Ils sont en train justement de voir fignoler, tirer les dernières ficelles, comment on peut se placer, il faut que ce soit fait dans le respect, là. On veut pas arriver avec un gros camion, avec 50 000 caméras non plus dans l'église. Faut qu'on voit où se placer, avec qui parler, avec qui on peut parler aussi, parce que des gens qui voudront pas, c'est tout à fait normal. Les dirigeants de la salle des nouvelles font un gros travail là-dessus. Là. Puis, je suis pas mal sûr à 1000% qu'il va avoir de quoi à RDS dimanche et lundi. Mais Michel, un gros merci. Au plaisir de se parler de tantôt. Michel, merci. Salut, RDS, qui est natif de Normandie.